Allô, allô! Bienvenue au Lobster 4.0. Un lobster de bonheur et de bonne humeur, même si j'ai recommencé à travailler. Ça fait déjà quelques épisodes que je vous invite comme ça, dans mon intimité, que je partage avec vous mes histoires, mes passions, puis mon petit monde. Donc, cette semaine, on déroge pas trop à ce registre à laquelle je vous habitue lentement. On va bien sûr parler de BD, mais cette semaine, ce lobster va prendre un axe plus insolite. Donc, au menu cette semaine, des connaissances inutiles qui vous permettront de briller dans une conversation avec vos amis. Boum, oui. Et ça, je comprends, boum. Badaboum. Hein? Big. Oui, big badaboum. Big. Badabig boum. Big. Boum. Oui, big badaboum. Badaboum. Big boum. Boum, big badaboum. Saviez-vous que le trou le plus profond jamais creusé a atteint 13 km de profond? Alors qu'on partira probablement en voyage vers Mars dans quelques décennies, il reste des endroits encore inexplorés sur Terre, notamment notre sous-sol. On en connaît assez peu sur ce qui repose sous nos pieds. C'est dans cette optique que les Russes ont foré un trou pendant 24 ans, de 1970 à 1994. Ce qu'ils y ont découvert étonne toujours. En 24 ans, ils ont pu creuser ce trou de 23 cm de large jusqu'à précisément 12 261 mètres, quasiment 13 km. Ce qui est plus creux que si le mont Everest était planté à l'envers dans le sol, lui qui fait 8 848 mètres. Le trou lui-même porte un nom, Babuska. Non, en fait, il s'appelle le SG-3, mais Babuska me semblait plus sympathique et m'inspirait plus. Une des surprises de Babuska, c'est que l'eau a émergé de son trou vers le 7e kilomètre. Je l'apprends comme vous, mais l'eau n'est pas supposée se retrouver à de telles profondeurs. L'hypothèse principale des scientifiques, c'est que l'oxygène puis l'hydrogène sont tellement sous pression à cet endroit qu'ils forment de l'eau. Au départ, l'objectif des Russes était de se rendre à 15 000 mètres pour trouver de la vodka. Bon, peut-être pas pour trouver de la vodka, mais plus ils descendaient, plus il faisait chaud. À la fin, dans le fond de Babuska, la température atteignait 180 degrés Celsius, soit 356 degrés Fahrenheit. Même si Babuska constitue la distance la plus profonde jamais atteinte par des humains amateurs de vodka, il ne s'agit que d'une fraction de la croûte terrestre, qui elle mesure entre 30 et 50 km. Alors que pour se rendre au noyau interne de la Terre, on doit se rendre à 6500 km de profond. Donc, notre Babuska ne constitue que 0,2% de toute la profondeur de la Terre, une peanut. Et pourquoi je vous parlais de Babuska? Enfin, l'idée m'est venue suite à la lecture d'un article dans la presse qui parlait que des chercheurs, à l'aide d'ondes sonores, ont analysé le sol et en sont venus à la conclusion qu'il y avait des millions de milliards de tonnes de diamants sous la surface de la Terre. Mais le hic, c'est qu'ils se trouvent entre 145 et 240 km sous la surface. Donc, c'est pas demain qu'on va s'y rendre. Donc, vous le savez maintenant, le trou le plus profond jamais creusé est de 13 km et se nomme Babuska ou SG-3, à classer dans une petite boîte mémoire avec la mention « Connaissances inutiles ». Est ouverte à nouveau. J'implore les ministres du Seigneur des Ténèbres de révéler leur présence. Mais cette fois, l'invasion se fait de l'intérieur. Non ! Sacrifice. La fissure 2. Et vous pensiez avoir connu la peur. D'écouter la chanson Jordan du guitariste Buckethead. Ça, c'est un original dans son style. C'est un guitariste qui apparaît toujours avec un saut de PFK renversé sur la tête puis qui porte un masque blanc. Sa biographie dit qu'il quitte rarement son domicile puis qu'il répond aux questions des journalistes via une marionnette qui porte le nom de Herbie. Puis malgré cette originalité, il est considéré comme le 8e meilleur shredder le plus rapide au monde, c'est-à-dire qu'il joue rapidement des passes plutôt compliquées. Ensuite, sur notre lancée des choses à savoir, voici les petites connaissances inutiles pour briller auprès de vos collègues. Première chose, le nom d'origine de la Statue de la Liberté était « La Liberté éclairant le monde ». Mais bon, c'est plus rapide de dire « Statue de la Liberté ». Autre chose, la probabilité de mourir en tombant du lit est de 1 chance sur 2 millions. La prochaine, c'est ma favorite. Votre pouce a la même longueur que votre nez. Moi, j'ai fait le test. Pour moi, ça marche. plus ou moins, mais c'est loin d'être scientifique. J'ai collé le bas de ma main sous mon nez, puis mon pouce vient toucher le haut de mon nez. Autre connaissance inutile, les raisins explosent quand vous les mettez au four à micro-ondes. Sachez-le. Une autre, une étoile de mer n'a pas de cerveau, puis je rajouterais, si j'étais méchant, ce que je ne suis pas, que Donald Trump est probablement un descendant des étoiles de mer. Puis mon dernier, c'est un record de l'inutile. Une hôtesse de l'air du nom de Vesna Vulovic a survécu à une chute de 10 160 mètres, ce qui est le record. Son avion s'est écrasé, puis elle était dans son siège arrière bien attaché à l'arrière de l'avion, qui lui, l'avion a coupé en deux, puis le derrière de l'avion est venu s'écraser dans la neige, amortissant un peu le choc. Bon, elle a bien sûr été hospitalisée, 27 jours de coma, hospitalisée 16 mois au total, car elle était cassée d'un peu partout. L'histoire raconte qu'elle pleurait pas mal tous les jours, car elle était paralysée en plus, mais heureusement, sa paralysie s'est estompée avec le temps, ce qui a sûrement aidé à sécher ses larmes. Le genre de record que personne ne veut détenir. Chip, chip, chip, chip tune. vient de terminer avec une chanson qui s'appelle Perplexagon Part 3, qui est interprétée par un artiste qui s'appelle Kebu, K-E-B-U, qui est disponible sur YouTube. Et il y a des millions de vues chacune de ses prestations live. Il y a la particularité de faire des mélodies avec des synthétiseurs seulement analogues. Fait que moi, j'aime bien ce style-là. Mon plus vieux garçon, qui est allé se cueillir des petites tomates dans la serre, est rentré la bouche en feu. Il s'est trompé puis il a cueilli deux piments Time Bomb que j'avais plantés. Il en a mangé la moitié d'un en pensant que c'était une petite tomate, puis il a rapidement compris son erreur. Heureusement, c'est un de mes moins forts que j'ai dans la serre. L'échelle du piquant s'appelle l'échelle Scoville. C'est cette échelle qui évalue le degré de force de la capsaïcine, ce qui donne le piquant au piment. Les piments Time Bomb que mon garçon vient de croquer ont une cote de 1000 sur cette échelle-là, ce qui est très bas. Pour pas gaspiller, moi j'ai fini de le manger, le petit piment. Moi, je l'ai fait pousser pour les épices. J'ai aussi les jalapenos qu'on connaît tous. Eux, sur l'échelle, ils sont cotés entre 2500 à 8000. Ils piquent. Les piments de Cayenne, eux autres, c'est de 30 000 à 50 000. Tandis que le piment Tabasco, lui, 50 000 à 100 000. Puis ensuite, quand on veut du vraiment puissant, on tombe dans les piments habanero. Sur l'échelle, ils cotent à partir de 100 000 en montant. Moi, j'en fais plus pousser, c'est trop piquant. La dernière fois que j'en avais fait pousser et préparer, j'avais pas mis de gants, puis le bout des doigts m'avait piqué pendant 3 jours de temps. Le piment le plus puissant est le Pepper X, qui a une cote sur l'échelle de 3 180 000. C'est l'équivalent des bombes d'autodéfense en spray qu'utilise la police, qui eux vont de 2 millions à 5 millions. Le moyen le plus rapide, si jamais vous mangez un piment fort, pour vous enlever le goût fort, c'est pas de boire de l'eau. L'eau, elle, ça fait l'effet inverse, ça active la capsaïcine. Donc, le truc numéro un, si vous voulez enlever la chaleur dans votre bouche, c'est de boire du lait. Le lait et les autres produits laitiers comme le yogourt, la crème glacée ou la crème sont le moyen le plus rapide pour calmer la sensation de brûlure. Un autre truc que je lis sur Internet, c'est de se rincer la bouche avec de l'huile. Bon, si vous n'avez pas de lait sous la main, ils disent qu'on peut prendre une gorgée d'huile d'olive, de se rincer la bouche avec ça puis de recracher. La capsaïcine se dissout en effet dans la graisse. Sinon, un autre truc plus facile, c'est de mâcher un morceau de pain ou des chips, de prendre une cuillerée de sucre ou de miel, et ils terminent en disant de bien se laver les mains. Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire, roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les dames sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous! Lentement. C'est la plus belle des mélodies, le chant d'un Iroquois. C'est la conscience d'un peuple oublié qui s'agite en toi. C'est l'histoire d'une profonde distorsion dans la ligne du temps. Le long récit d'une destruction, la couleur du sang. Peux-tu sentir le soleil mordant qui déchire ta peau? Imaginez tes yeux qui éclatent comme des bombes. Peux-tu entendre la douleur, le cri de tes descendants? Le jour approche où ils viendront cracher sous. Le chant du cygne dévasté. savons ceci. La Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre. Tout ce qui existe nous unit les uns aux autres, comme le sang qui coule dans nos veines. L'homme n'a pas confectionné le tissu de l'existence, il en est simplement l'un des fils. Ce qu'il fait au tissu, il le fait lui-même. Peux-tu sentir le soleil montant qui déchire ta peau? Imaginez tes yeux qui éclatent comme des bombes. Peux-tu entendre la douleur, le cri de tes descendants? Le jour approche où ils viennent en cracher sur nos tombes. Peux-tu sentir le soleil montant qui déchire ta peau? Imaginez tes yeux qui éclatent comme des bombes. Peux-tu entendre la douleur, le cri de tes descendants? Le jour approche où ils destinée est un mystère pour nous. Que se passera-t-il lorsque tous les bisons auront été massacrés, les chevaux sauvages dressés? Qu'arrivera-t-il lorsque la forêt profonde et secrète, imprégnée de l'odeur de tant d'hommes, et les collines fertiles auront été souillées par tous ces fils électriques qui transmettent la parole? Quand l'homme aura dit adieu au poney et à la chasse, viendra le temps de la survie, car sa vie sera terminée. Apporte-moi un espresso macchiato, confond pas avec la passionato. Tu seras toujours aussi incompétent, aussi longtemps que j'aurai plus d'ancienneté. Capitaine, j'ai connu dans le business, j'ai tout vu avant que tu sois sur la liste. J'aurais poussé des coffres pour gagner ma vie. Pour suivre dans notre veine de l'insolite, je ne sais pas si vous connaissez le site des Darwin Awards. C'est un site où ils donnent des récompenses humoristiques aux personnes mortes à la suite de comportements stupides. Ce sont toutes des morts qui sont prouvées et confirmées par des articles de journaux ou autres. En passant, le nom des Darwin est en l'honneur de Charles Darwin, à l'origine de la théorie de l'évolution qui a dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement ». Donc, je vous lis quelques-unes des morts absurdes qui font partie du top 15 du site. On se lit ça pour le plaisir. Tué par une vitre pas très solide. Un notaire de 39 ans, Gary Hoy, est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en démontrant la solidité des vitres à des étudiants. Son coup d'épaule sortit la vitre de son cadre et il s'écrasa 24 étages plus bas. Tué par un bâton de dynamite. Paul Styler et sa femme sont morts à Andover Township par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. S'ennuyant à bord de leur voiture à 2h du matin, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais apparemment, ils n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton. Tué par maladresse. À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant ses clés de voiture. Tué par le sport. Un agent de change de San Francisco qui, d'après sa femme, faisait le vide total dans sa tête quand il courait, s'est tué pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres. Celle-là me fait rire un petit peu, là. Au point, quand tu cours puis que tu fais le vide puis que tu es tellement nono que tu passes droit puis tu tombes dans le ravin. Mort à cause d'un timbre manquant. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste parce qu'il manquait le timbre. Mort à cause d'un chien dressé. Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé pour on ne sait quelle raison. Sauf que, accompagné de son chien de chasse très bien dressé, celui-ci lui a rapporté. Mort à cause d'une canne à pêche originale. Un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons à l'aide d'un câble en Pologne a subi le même sort que ses proies quand il est tombé à l'eau. Mort à cause d'une grosse saucisse. Robert Puello, 32 ans, a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis. La police n'a pas pu le ranimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qui l'a étouffée. Mort à cause d'un soutien-gorge tueur. À Felixburg, un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les gants. Mort à cause de ballons bien gonflés. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Harnaché de 1000 ballons gonflés à l'hélium, il s'est élancé, s'est perdu, s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. Mort à cause d'un ménage abusif. En Ohio, en essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin Eskin refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé les premiers et deuxièmes étages de sa maison, le brûlant du fait même. Mort à cause d'une veste pas très solide. Selon le rapport de police de Dahlonega, en Georgie, le cadet de police Nick Berena, 20 ans, est mort poignardé par son ami le cadet de police Jeffrey Oman, 23 ans, qui voulait lui démontrer que la vis en Kevlar que Berena portait pouvait résister aux coups de couteau. Voilà, c'est ce qu'on trouve sur le site des Darwin Awards. Moi, je trouve ça drôle. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. What to say? We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hats to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, well it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. I see. We can dance. We can dance. Everything's out of control. But we can dance. We can dance. Doing it from pole to pole. But we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's making a chance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Will it save the dance? It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, grab it, jam it, lock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, back it, switch it, fade it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, touch, rename it, touch it, print it, play it, watch it, technologic. One more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, it keeps the planet spinning. The force from the beginning. No. Celebrate and dance so free. Tonight, Oui, c'est quasiment over, mais un lobster serait pas un lobster si je vous parlais pas un peu de bande dessinée. Cette semaine, j'étais en train de lire la série Rubin que je suis allé chercher à la bibliothèque. Quelqu'un qui regarderait les couvertures de la série Natacha et Rubin trouverait que les deux héroïnes se ressemblent pas mal. Et effectivement, c'est le même dessinateur, François Walteri. Dans le cas de Rubin, c'est une belle femme rousse qui est policière à Chicago. Alors que dans Natacha, l'hôtesse de l'air est toujours accompagnée de Walter, ici dans Rubin, l'héroïne se débrouille pas mal tout seule pour ses aventures. Il y a des collègues policiers qui reviennent parfois, mais sans jouer de grand rôle dans l'aventure. Donc si vous avez aimé la série Natacha, eh bien Rubin est pour vous. C'est aussi bien dessiné et les histoires sont très intelligentes. Je me suis aussi acheté cette semaine le premier album de la série Mortadelle et Philémon. J'avais déjà dans ma collection les Jeux Olympiques, que j'avais pas détesté, mais ce premier album, j'ai pas réussi à le lire. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier, puis peut-être le moins bon, mais j'ai dû abandonner. Puis croyez-moi, j'abandonne pas facilement pour les BD. Je l'ai pris en main au moins trois fois cette semaine, et non, j'ai pas été capable de le finir. L'histoire est interminable, puis elle m'intéresse pas. Donc malheureusement, pour Mortadelle et Philémon, je pense pas en acheter d'autres. Sinon, je vous laisse avec de quoi de bon, du Léonard. Léonard, c'est ce génie qui invente plein de choses grâce à l'aide de son célèbre disciple Basile, qui lui ne cherche qu'à dormir le matin. Les albums de Léonard sont habituellement des petites histoires courtes, mais certains albums offrent une histoire longue qui fait le livre au complet. Lire du Léonard, c'est comme du bonbon, c'est bon en bouche, ça procure du plaisir. Moi, j'aime en tout cas. Le principe est simple, Léonard est toujours en train d'inventer de quoi. Et même si ses inventions ne marchent pas comme prévu, elles ont toujours un effet surprenant, comique ou désastreux, où Basile est souvent la victime. L'humour dans ses albums est principalement basé sur les jeux de mots, les anachronismes et le burlesque. Pour le plaisir, je vous lis une histoire de l'album hors série, Génie à la page, qui fait un gros 150 pages, l'équivalent de 3 albums. Donc, l'histoire est la suivante, elle porte le titre « Elle avait de tout petits béton ». Au lieu de « peton », c'est « béton ». Donc, on voit Léonard qui est sur le bord de la piscine, et on voit Basile, son disciple, qui est dans l'eau. Léonard est sur le bord d'une boîte rouge, puis il dit « Je suis prêt, vous pouvez commencer à crier ». « au secours, je me noie, un disciple à la mer, et un bon. » Puis là, on voit Léonard qui prend une grosse bouée dans la boîte rouge, puis qui dit « Ne perdez pas courage, quidam, je vous lance une bouée de sauvetage. » Là, dans la case suivante, on voit Léonard qui tire la bouée autour des bras du disciple qui est dans l'eau. Puis là, on voit un gros plouf dans la case suivante où l'eau monte vraiment haut. L'eau monte au deuxième étage. Ça éclabousse jusqu'en haut. Puis là, Léonard il dit « Hum, c'est bien ce que je craignais. » Puis là, on le voit sortir de sa barbe un carnet. Puis il dit « Prenons donc quelques notes afin d'améliorer ma merveilleuse invention. » Là, on le voit qui écrit « La bouée de sauvetage ne pourra en aucun cas être fabriquée en béton armé. » Puis là, on voit, dans le fond de la piscine, on voit disciple qui est en train de se noyer, la bouée en béton autour du corps. Donc, c'est ça pour cette semaine. Merci de m'écouter. La page Facebook du Lobster est là si vous avez des commentaires. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être un peu plus loin, si comme je le pense, je retourne passer une semaine au chalet. En terminant, je voudrais remercier mes deux commanditaires, la pâtisserie au gros bedon rond et la pâte à lessive Frotte Frotte C'est sale. Je vous laisse avec la musique de Stromae. C'est un extrait de son spectacle Racine Carrée qui a été tourné à Montréal. Le spectacle est disponible sur YouTube et est magnifique. Je vous invite à l'écouter. Bye bye!

et au cœur. Mesdames et messieurs, il nous vient de Bruxelles. Un maximum de bruit, un maximum de bruit pour Simon, Simon le Saint. Simon, Simon le Saint. Simon, Simon le Saint. Simon le Saint, Simon le Saint, Simon le Saint. À sa droite, l'homme qui nous vient de Grèce et de Belgique aussi. A.K.A. The Sexy Boy. Basse, guitare, chœur, caraquinho, clavier, etc., etc. Mano, mano, mano, Luffy. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano, li, mano, li, mano, li, bah oui, c'est mano, li, c'est mano, li, c'est mano, li. L'homme qui nous vient de France, mais aussi du Japon. Clavier, cœur, basse, guitare, tout. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour, un maximum de bruit pour Yoshio Yoshio Masuda. Masuda. Yoshio Yoshio Masuda. Eh, Masuda. N'oublions pas de mentionner qu'il joue de la guitare comme un vrai Congolais. Et à sa droite, l'autre sexy boy. Il nous vient de France, mais surtout d'Italie, mesdames et messieurs. Ça, les filles aiment bien. Claviériste, choriste, guitariste. Florian Rossi. Et Florian Rossi. Et Florian Rossi. Et Florian Rossi. Rossi, Rossi, Rossi, Rossi. Et elle est. Elle est mort. Elle est mort. Elle est. Elle est montréalaise. Elle est montréalaise. Elle est montréalaise. Elle est montréalaise. Et il y a les Québécois. Elle est québécoise. Elle est québécoise. Puis les Québécoises. Puis les Québécoises. Elle est québécoise. Puis les Québécoises. Puis les Québécois. Puis les Québécoises, puis les Québécoises, puis les Québécoises, puis les Québécoises, puis les Montréalais, puis les Montréalais. Québécoise, Québécois, j'ai envie de dire un grand merci.